Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dont s'écoute ça tout de suite. Le premier, nouvelle formule, on va l'appeler comme ça. Nouvelle plus formule de goût, pourquoi, plus concentré. Plus concentré avec plus de goût, c'est une nouvelle recette. Oui, ouh, alors on va essayer de faire plus court, 7 morceaux c'était long. Des fois, ouais. Des fois 15, enfin du coup 14 ou 15 morceaux c'était long. On va se limiter à 10 morceaux, puis on va mettre un peu plus d'extrait entre les chansons. On va mettre un petit peu plus de mentions honorables. Alors on essaye de faire un truc un peu plus court, un peu plus punchy, tu vois. Un peu plus dans la lignée des watchmojo.com et, ouais, et voilà. Des Topito. Non mais merci Vincent, on va essayer d'avoir un fil rouge aussi, même si j'ai l'impression que c'est un petit peu mal parti. Et on va surtout s'intéresser aujourd'hui au groupe fictif. En gros, un groupe fictif, c'est un groupe avec des membres imaginaires. Ça peut être par exemple Marvin Berry et les Starlighters dans Retour vers le futur. On se souvient de la scène où il joue Johnny B. Goode à fond. Ou alors Gorillaz, par exemple, dont les membres officiels sont des personnages de dessins animés. Gorillaz, mais qu'on n'a pas mis d'ailleurs. On n'a pas mis aujourd'hui, parce que Gorillaz, on pourra en parler largement dans d'autres émissions. Mais on pense à eux, hein, on fait un petit bisou sur le front Damon. De Damon Albarn. Et du coup, je te propose de commencer, Vincent. Ouais, non, juste pour dire, disclaimer, alors comme c'est des groupes fictifs, on n'a souvent pas trouvé des vidéos, enfin des morceaux avec des c'est qualités vrai. Suffisantes. Bah, il faut faire avec quand c'est tiré de dessins animés, de films et tout. Il faut faire avec, voilà. Donc, et aussi, on va. Petit truc que je trouve cool, on va parler beaucoup de films et de séries, moi, tu sais, j'aime bien. On va parler principalement de films et de séries, ouais. À toi l'honneur, Vincent. Eh ben, on va commencer avec un petit peu de country, tu vois. Moi, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, je sais pas pour toi, mais le morceau est cool, hein, et je rentrerai dans les détails après, mais on s'écoute tout de suite I Am A Man Of Constant Sorrow par les Soggy Bottom Boys. Allez, on s'écoute ça tout de suite. In constant sorrow trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. Never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps he'll die upon this train. You never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Alors que tu me disais, oui, c'est vrai que c'est un petit peu chiant la country, oui, bon, faut aimer, mais donc, The Soggy Bottom Boys en français dans le film, alors dans quel film bien sûr, c'est Oh Brothers. Oh Brothers, un film des frères Cohen, un très bon film d'ailleurs. En français, c'est Les Culs Trempés, hein, le nom du groupe. Alors avant d'aller plus loin sur l'origine du morceau, j'ai juste m'attardé sur le film, parce que dans le film, sans trop spoiler, on a trois évadés, dont un joué par George Clooney d'ailleurs, qui sont en cavale. Ils s'arrêtent à une station de radio pour enregistrer une chanson, ce morceau en question, qui deviendra plus tard dans l'univers du film un grand succès à travers les États-Unis, et ils sont accompagnés à la guitare par un jeune homme noir terriblement doué en blues, hein, qui déclare avoir donné son âme au diable pour pouvoir jouer de la guitare. Ça te rappelle pas quelqu'un, ça ? Ça rappelle un certain Robert Johnson. Et ouais, ça rappelle l'histoire de Robert Johnson, qui aurait vendu son âme pour jouer aussi bien de la guitare. À voilà. Crossroad. Exactement. Donc en vrai, hein, cette chanson existe déjà depuis bien longtemps, alors depuis au moins 1913, hein, et une chanson qui a eu son petit succès apparemment. Hein. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'extrait. Et en fait, le morceau, il a une histoire beaucoup plus complexe. En fait, il remonterait à 1880. Et selon d'autres histoires, ce serait un chant qui se transmet depuis presque 300 ans. Hein. Donc après, on a eu des reprises à l'appel. On a eu les Stones, on a eu Rod Stewart, hein, ce bon vieux papy, là. Et par exemple, on a aussi une reprise de Bob Dylan, si je ne m'abuse. I am a man of Cops's Arrow. I've seen trouble all my day. Voilà, donc ça c'est du Dylan tout craché quoi. Et après, le film a redonné un petit coup de jeune à ce morceau, hein. Donc en fait, dans le film, les acteurs font que du playback, hein. Ils chantent pas vraiment, hein. Ce sont les vrais musiciens qui reprennent le morceau. Et en fait, le morceau a eu tellement de succès que le groupe de musiciens ont été invités sur scène pour jouer pendant plusieurs festivals. Voilà, moi j'aime pas le country. Voilà, c'est pas mon genre que j'ai... C'est pas mon genre préféré c'est non pas plus, mon mais bon. Kiff, tu vois. Mais là, ce morceau, tu vois, comme après avoir vu le film, il reste en tête et voilà, c'est pour ça que j'aime bien. On va enchaîner avec un groupe que vous connaissez forcément, hein, si vous adorez Edgar Wright, comme à peu près la moitié des gens sur Twitter. La moitié des geeks. La moitié, oh les geeks. Avec Sex Bob Omb. Les Sex Bob Omb, on s'écoute Garbage Truck tout de suite. I'll take you for a ride. I'm a garbage truck. Oh no. I'll take you to the dump. 'Cause you're my queen. Take you uptown. I'll show you the sights you know you wanna ride. I'm a garbage truck. Truck, truck, we'll pass the mansions by. Drive right through the needle's eye. Oh my, my, my, my, my. I got a stereo. You just gotta turn the knob. Then maybe we'll go as far as we can. I'll be your garbage man. I'll take out your junk and I'll crush it down. Jesus in my rear view and the highway patrol is up ahead. In my garbage truck, truck, I'll never throw you away. When you're old and gray, just roll it away. Scott Pilgrim, c'est d'abord une série de bandes dessinées vraiment cool et donc une adaptation d'Edgar Wright, le réalisateur de la trilogie dite Cornetto, des Cornetto avec Simon Pegg et Nick Frost, de Scott Pilgrim vs. The World et bien sûr des moments les plus drôles de Ant-Man. Ouais, c'est vrai. Le pitch de Scott Pilgrim, il est assez simple, hein. Le héros est chargé de détruire les ex-maléfiques de la fille qu'il convoite. Et puis dedans, il y a bien sûr plein de références aux jeux vidéo et il y a aussi surtout un épisode de Cross là-dessus, donc je vous conseille de le regarder si vous voulez vous intéresser un petit peu au film, au développement, tout ça, c'est assez intéressant. Pour en venir au groupe qui nous intéresse, les Sex Bob Omb. Sex Bob Omb, hein, tu peux le dire. Hein. Ouais, les Sex Bob Omb, mais j'insulte sur le Bob Omb. Ah oui. Qui est un jeu de mots très bien senti avec Sex Bomb, bien sûr. Mmh. J'avais pas remarqué en fait avant. Non, de, moi j'avais remarqué assez tard. Tu vois. Avant de faire cette chronique, j'avais pas du tout remarqué. Il a une place pas mal dans le film, hein, et toute la BO d'ailleurs, c'est la BO du film là qu'on vient d'écouter. Elle a été faite par Beck. Oui, c'est lui qui a tout composé. C'est lui qui a tout composé, donc le meilleur album de Beck en fait, c'est la BO d'un film. et le groupe. Alors là, c'est méchant. Je rigole, je plaisante bien sûr. On t'embrasse, Beck. Sur le front. Beck Hansen, comme dans, on t'embrasse là-haut avec. Comment il s'appelle, Damon Albarn. Voilà, Igloo. Pour l'histoire du groupe, hein, qui a un petit peu plus développé dans la BD, en fait, on se rend compte que Scott et Kim, la batteuse, avaient un groupe qui s'appelait Sonic et Knuckles. C'est marrant, c'est un nom qui est familier à peu près. Je sais pas trop, au lycée, ils ont même joué hein, dans leur collège pour le Lunchapalooza, en référence au Lollapalooza, bien sûr, le festival itinérant. Puis Scott est parti à Toronto, au lycée, il a formé Kid Charmeleon avec Stephen Stills. Bien sûr, le nom est hommage au grand musicien américain, aussi l'ex de Véronique Sanson, et Envy Adams. Ils sont rejoints par d'autres membres, puis le groupe va exploser, et Scott et Stephen vont former les Sex Bob Omb, et vont être rejoints par qui, vous vous souvenez, de Sonic & Knuckles, qui vient d'arriver à Toronto. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, parce que quand même, il y a pas mal de trucs avec le groupe hein, dans le film, hein, ils s'en servent même pour détruire des ex et tout. C'est assez ouf, c'est assez bien foutu, mais voilà, Scott Pilgrim, bien sûr, un film à voir et à revoir. Et aussi dans le film, on voit beaucoup de passages musicaux avec des concerts et tout, et la batteuse dans le film a appris la batterie exprès pour le film, et Michael Cera, en fait, c'est un peu un musicien, parce que je me souviens, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais... Juno dans Juno, que je fais la guitare. Ouais, non, mais il a joué pour Weezer, il fait des chœurs, il fait de la mandoline sur certains morceaux, il fait un peu de guitare, donc voilà, donc Michael Cera n'est pas complètement ignorant du milieu de la musique, on va dire ça. D'ailleurs, dans le film, il a une très belle basse, je sais pas si c'est lui qui l'a choisi, mais une Rickenbacker, donc voilà, pour le goût, plus une vie pour Michael Cera. Alors on continue avec un groupe fictif d'un film plutôt apprécié, enfin que moi j'ai apprécié, hein, School of Rock, avec un morceau éponyme, le tout mené par le personnage de Jack Black, hein, et on s'écoute ça tout de suite. Yeah! perfect, son. But y'all be rocking when I'm done. Un sympathique morceau avec plein d'influences. Hein. On a écouté du AC/DC. Un bel hommage au rock. Voilà, il y a un petit peu de Deep Purple dans certains synthés. Voilà, les Who. Enfin, il y a plein de choses. Donc, j'aime bien ce film, moi, School of Rock. Toi, tu l'as pas vu. Tu m'as dit que tu l'as pas vu. C'est non, comme, je l'ai pas vu, j'avoue. Toi qui aimes bien tout ce qui est films musicaux et tout, c'est un comble. Moi, ça fait partie des films, tu vois, qui peuvent paraître un petit peu niettes. C'est des bons sentiments et tout. Mais c'est les films que t'aimes. Un peu genre Rasta Rocket, tu vois. Ah ouais, c'est tu bien. Vois, ce genre de film. Enfin, pour moi. Voilà, dans ce film, le personnage de Jack Black est viré de son groupe hein, et il se fait passer pour un prof de musique dans un collège parce que bah, il faut bien manger, tu vois, il faut bien payer son loyer. Et lui et sa classe participeront alors à une Battle of the Band, à une bataille de groupe. Hein, et, ça existe que dans les films, ça, c'est dommage. Ouais, bah bon, en France, on est arrête. Non, non. voilà, c'est un film qui a hyper bien marché, hein, qui a même eu le droit à sa déclinaison à Broadway et sa série télé, donc ça veut dire beaucoup. Et donc, t'aimerais bien la soundtrack, hein, c'est une soundtrack au top. Les Who, les Stooges, il y a du Bowie. Il y a aussi chose assez incroyable, il y a du Led Zeppelin. Et pourquoi je dis incroyable? Parce que Led Zeppelin, c'est un groupe qui n'a accordé que très très très rarement le droit de diffuser hein, leurs morceaux dans un film. Et là, à part dans la pub Dior, sinon. Oui, bon, à mon avis, ils ont touché un bon paquet de pognon. Enfin, à l'époque, en tout cas. Je parle en l'occurrence de The Immigrant Song. Et là, ça a été fait de manière très drôle, c'est qu'à la fin du film, ils ont filmé une petite vidéo sur la scène où se passent les concerts, à la fin du film, une très belle séquence d'ailleurs, avec Jack Black en train de faire à la caméra « Pitié Led Zeppelin, donnez-nous l'autorisation, s'il vous plaît !» avec la foule en folie derrière, ils ont envoyé la vidéo au groupe, et ils ont fait « Oh, on aime bien !» Et « On aime bien, c'est bien, Jack Black !» Et voilà, si vous cherchez la vidéo, d'ailleurs, vous pouvez la trouver sur YouTube. Hein. Et pour les fans, malheureusement, hein, n'espérez pas trop une suite parce que ça fait 10 ans qu'on en parle, mais toujours rien. Donc quand c'est parti comme ça, voilà. Toi, tu voulais dire un truc sur. Je voulais juste préciser, parce que qui parle de Jack Black et de musique parle forcément de Tenacious D. Voilà, c'est assez bien parce que il est très bon, enfin, c'est un très bon acteur et c'est un très bon musicien aussi. Voilà. Donc voilà, c'est juste que voilà, il est assez parfait, un peu. C'est un peu un Michael Cera niveau supérieur quand même, parce qu'il touche et il touche vraiment à tout cet homme-là. Il le fait avec grand talent. Donc Jack, on t'embrasse avec Damon et Beck. Et comme Michael Cera, il a toujours une tête d'adolescent, voilà. C'est pas faux. Sûrement, pour moi, un des plus grands groupes fictifs, sûrement même le plus culte. Après, c'est subjectif, bien sûr, hein, mais franchement, ils sont tellement cool. Tellement cool que d'ailleurs, le groupe a fini par exister vraiment. Spinal Tap avec Big Bottom, je vous raconte ça juste après, et on s'écoute ça tout de suite. Monday. Tap, c'est un documentaire donc qui raconte l'histoire de Spinal Tap, un groupe de hard rock bien cliché des années 80 et en même temps pas si éloigné de la réalité de l'époque. Par exemple, à un moment, ils se perdent dans les coulisses avant de rentrer sur scène. Le public est à fond et tout, et eux, ils se paument dans les coulisses, ils n'arrivent pas. Et en fait, c'est inspiré de Bob Dylan qui s'était paumé dans les couloirs après un show. Pareil pour Tom Petty aussi, il s'était perdu. Ou alors dans le film, le groupe, il change de batteur presque à chaque nouveau morceau, chaque nouveau clip, c'est un nouveau batteur. En fait, il y en a un qui, par exemple, qui s'étouffe dans son vomi, comme Bon Scott ou John Bonham dans la réalité. Il y en a un autre qui est victime par exemple d'autocombustion, c'est-à-dire qu'il explose littéralement en fait. D'ailleurs le groupe dit « Ouais non mais vous savez qu'il y a 12 personnes par an qui meurent d'autocombustion, c'est assez répandu et tout ». Et voilà, enfin ça fait référence au batteur interchangeable dans l'histoire du rock et il y en a eu plein dans beaucoup de groupes. À un moment aussi, le bassiste super viril, hein, clin d'œil à... Il porte un... Oui j'avais pas marqué ça dans mes notes mais... Il porte un maillot de foot d'ailleurs, clin d'œil à Steve Harris, le bassiste d'Iron Maiden, qui était fan de West Ham, qui avait un autocollant sur sa basse et tout. Enfin bref, le bassiste passe le contrôle à l'aéroport et il sonne. Alors il enlève sa veste et hop, il ressonne. Il se fait passer au détecteur et il s'arrête sur ses parties intimes. Et en fait, ça finit la scène. Il sort un énorme concombre de son jean moulant. Un énorme concombre enroulé dans du papier alu, exactement. Et tout le monde se marre autour. Enfin voilà, c'est vraiment pour se foutre de la gueule des groupes de hard rock des années 80. Et c'est vraiment très drôle. Hein. Le film n'arrête pas, je vous conseille de le regarder. C'est Rob Reiner qui l'a réalisé, c'était son premier film. Il a aussi fait Quand Harry rencontre Sally. Super. Ouais. Ou alors il joue aussi le père de Jordan Belfort dans Loot Wall Street. Ouais, bah oui. Et donc je vous disais que le groupe avait vraiment fini par exister dans l'introduction. Et c'est vrai, en 92, ils se sont formés, ils ont fait un concert. Et ils ont sorti aussi un vrai album de composition originale. Il y en avait déjà un pour le film, mais là, un autre, indépendamment du film. Ils ont fait un concert au Royal Albert Hall qui existe, un show du DVD. Si vous ne l'avez pas vu... J'ai dit un show du DVD. Exactement. Et ben un show du... Moi, je suis chaud du DVD, t'es tu sais. Un peu chaud de la... un DVD du show que je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, à regarder. Bon, maintenant, un morceau que je ne devais surtout pas oublier, parce que là, je m'en serais voulu, mais... toute ma vie, on va s'écouter You All Everybody par Drive Shaft, hein, le mythique groupe de Charlie dans Lost. Alors, à ma décharge, je n'ai pas trouvé de qualité suffisante, donc j'ai pompé une vidéo Rock Band, parce que la chanson est sortie sur Rock Band. Donc voilà, c'est tiré d'une vidéo Rock Band, désolé. Mais on s'écoute ça tout de suite, You All Everybody par Drive Shaft. Merci Rock Band. Donc ça vient de Lost, hein. Forcément, je pouvais pas louper ça. Hein. Est-ce que c'était pas un petit peu la chanson qui a permis cette émission ? Si, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu en entendant ça que je me suis dit putain, les groupes fictifs, ce serait tellement bien quoi. Et donc Drive Shaft, un groupe fictionnel que l'on peut entendre dans l'univers de Lost, hein, cette série incroyable Lost. Oh, je pourrais en parler des heures. Voilà. Avec un des personnages principaux de la série en tant que lead guitar, hein, Charlie Pipin. Pace. Charlie Pace, il joue Pipin d'ailleurs dans Seigneur des Anneaux. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, Bien que ce soit une petite intrigue dans Lost, hein, l'univers du, enfin le groupe en lui-même, c'est vraiment un petit, une petite, c'est pas anecdotique, mais voilà, ça sert juste pour très peu de temps, quoi. Et ben l'univers du groupe a bien été développé, hein. Alors vite fait l'histoire du groupe, c'est Charlie le guitariste, hein, qui fonde le groupe avec son frère Liam, voilà. Oh oh. Voilà, le chanteur, hein, et un premier album éponyme mondialement remarqué, un second album échec commercial, hein, qui va marquer le déclin du groupe dans la série, dont le destin sera de toute façon scellé par la prétendue mort de Charlie. Lors du crash d'avion, hein, qui marque le début de la série, voilà. Et bien sûr, hein, ce groupe tient son inspiration de la vraie vie, comme tu l'as compris, Noé, hein. Je veux bien sûr parler d'Oasis, voilà. Donc que ce soit dans l'histoire du groupe, que dans le morceau, hein, c'est pareil, hein. Alors d'abord, on va faire, avec le morceau, on va faire une petite comparaison, si tu veux bien, avec des extraits de You All Everybody et, bien sûr, de Rock'n'Roll Star d'Oasis. Bon, déjà, c'est assez clair, hein, je pense qu'on a tous vu la différence. Rock'n'Roll Star, hein, de Definitely Maybe, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent retrouver la référence. Et la comparaison s'arrête pas là, hein, dans les deux groupes. Alors, c'est deux groupes formés à Manchester, voilà. Il y a des relations tendues entre les deux frères. L'un des deux s'appelle Liam, d'ailleurs. Deux guitaristes dans le groupe. Enfin, ils sont tous les deux guitaristes. Ils sont tous les deux chanteurs aussi pour les frangins. Ils ont la même posture en micro, tu vois, parce que tendu, ça, c'est un petit peu tendu comme un I, comme ça, il a le cou... Non, mince, ouais, voilà, bien la tête remontée. Tête remontée, comme ça, comme si le micro était trop grand pour lui, quoi. Deux groupes qui ont un sacré penchant pour la drogue, voilà. Donc voilà, je pourrais continuer encore et encore, mais ça paraît très clair. Et regardez Lost, parce que c'est la meilleure série du monde. C'est l'heure des... mentions honorables. Et on commence tout de suite avec The Death Ramps, le mystérieux groupe derrière la face B des Arctic Monkeys, les face B des Arctic Monkeys, ici en duo avec Miles Kane. Et on enchaîne avec Pop, le groupe des années 80 d'Alex Fletcher, aka Hugh Grant dans le film Le Comeback. Et à mon tour, un groupe de hard rock avec des bons barbus qui sillonnent les États-Unis ravagés par une invasion zombie. Les amateurs du jeu Left 4 Dead apprécieront, il s'agit des Midnight Riders. Et bien sûr, le groupe le plus connu de la galaxie, hein. Ils nous viennent tout droit de la planète Claque d'Or 7, régulièrement en concert dans la cantina de Mos Eisley. Je veux bien évidemment parler de Frigging Dan et The Modal Nodes. Et voilà pour les mentions honorables. N'hésitez pas à nous dire aussi sur Twitter vos mentions honorables, hein, quand vous aurez écouté cette émission, parce que la personne nous répond. Si Titours nous a répondu et il nous parle de son groupe préféré, groupe fictif préféré, qui a l'air d'être les Sex Bobons. Oh, quel hasard, bon, on en a parlé, exactement. Bon, encore un film satirique pour ma part, promis, hein, après celui-ci, j'arrête. Les Ruttles avec Ouch. On s'écoutait tout de suite. Ouch, you're breaking my heart. Ouch. Falling apart, ouch, ouch, ouch, ouch. When we first met, I must admit, I fell for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems upset the apple cart. All kinds of things, it seems upset the apple cart. Ouch, don't desert me, ouch. Please don't hurt me. Ouch. Ouch, ouch, ouch. What is this thing called love? Why do they say it makes the world go round? I can't explain the way I feel for you. My feet don't touch the ground. Ouch. Don't desert me. Ouch. Please don't hurt me. Ouch. Ouch, ouch, ouch. first met, I must admit, I fell for you right from the start. Now when we meet, all kinds of things, it seems upset the apple cart. Ouch, don't desert me, ouch, please don't hurt me, ouch, ouch, ouch, ouch. Un groupe fictif, des Monty Python. Forcément, toujours bien. Fallait le mettre dans l'émission. Vous l'aurez sans doute deviné, c'est une parodie de Metallica. Je crois que c'était les Stones. Non, des Beatles, bien sûr, mais avec des chansons originales. En fait, en 76, les Monty Python campent un groupe appelé The Rutland Stones et jouent I Must Be In Love, une chanson un peu mièvre en imitant les Beatles en direct, enfin pas en direct, mais à la BBC. Gros succès, et donc Vincent, qu'est-ce qu'on fait quand un programme court a un très gros succès pour maximiser les retombées économiques ? Eh ben on se fait plein de pognon en faisant un gros film qui tâche bien. Voilà, et là c'était un téléfilm très exactement. Bon, c'est moins classe déjà. C'est comme ça que All You Need Is Cash voit jour en 1978 sur la BBC. Vous pouvez y suivre les aventures de Ron Nasty, Dirk McQuickly, Stig O'Hara et Barry Wom des Beatles en version très comique donc. Le film est excellent. D'abord, c'est les Monty Python. C'est un peu genre... gage de qualité, ces quoi. Ces petits trucs qui vous font marrer, tu vois, d'humour anglais. Par exemple, à un moment, un journaliste est filmé un peu comme Bernard de la Villardière pour présenter les Ruttles, vous savez, dans la rue, en train de marcher, comme ça, avec le caméraman qui recule. Et bien, le caméraman se met à reculer de plus en plus vite. Et donc, le présentateur se met à avancer de plus en plus vite, tout en gardant son sérieux, et finit en faisant une course incroyable en continuant de présenter son émission. Ce genre de truc, voilà, c'est assez marrant. Ça fait toujours plaisir, hein. Je vous conseille vivement hein, The Ruttles, qui est assez dur à trouver. En plus, il y a plein de caméos dedans. Il y a Mick Jagger et Paul Simon qui jouent leur propre rôle. Il y a même George Harrison qui joue un journaliste. Il y a Bianca Jagger, hein, Dan Aykroyd, John Belushi du SNL. Ron Wood, le fameux compère de Rod Stewart. Bill Murray, toujours du SNL. Michael Palin. Voilà, plein d'apparitions sympas. Et il y a une suite qui est sortie en 2002. Bon, je vous avoue, je ne l'ai pas vue. Hein. Elle s'appelle Can't Buy My Lunch. Je trouve ça marrant. Okay. À noter que John Lennon a tellement aimé le film hein, qu'il a refusé de rendre le disque et les bandes du film qu'on lui avait envoyé pour qu'il donne son autorisation. Il a dit non, je les garde, c'est trop bien. Il a même dit au producteur de faire attention parce qu'il y a une chanson qui était vraiment très très proche de celle des Beatles et que ce serait con qu'il se fasse attaquer par les ayants droit de l'époque. C'était ATV Music. McCartney, lui, il était un tout petit peu moins emballé, hein, mais après que, d'après Eric Idle, qui a tout fait dans le film, hein, c'est Monty Python qui s'est vraiment occupé du film, il a changé d'avis parce que sa femme Linda trouvait ça assez marrant. Encore un film à ajouter dans votre vidéothèque. Bon, allume ta radio, on repart dans les années 80. Ouais. Où ça, on va où, hein ? Vice City. Vice City, on va s'écouter Love Fist, hein. c'est le nom. Avec un morceau qui s'appelle Dangerous Bastard, c'est du très bon gros hard rock des années 80, tu vois, qui tâche, qui crache, tu vois, des guitares qui crachent, du vrai guitariste qui crache. De mec, quoi. On s'écoute tout de suite Love Fist avec Dangerous Bastard. Voilà, je te l'avais dit, de la bonne guitare qui crache. Et moi, ce que j'adore dans ce morceau, c'est que c'est une belle parodie des années 80 avec des morceaux de hard rock qui assez symptomatique où il y a une fin à rallonge, tu vois, où ils sont tout le temps en train de c'est scroller, vraiment très très appuyé. Ah, ah oui, voilà, là, enfin, le morceau doit durer 3 minutes 30 et la fin dure 1 minute. Voilà, c'est une bonne parodie des années 80 au niveau du hard rock. Alors, bien sûr, comme c'est GTA, hein, je te l'ai dit, on ne fait pas dans la dentelle, on ne fait pas dans la finesse, bien sûr. Love Fist pour le nom du groupe, je ne vais pas vous faire un dessin, non ? Pas de dessin ? Hein ? Non, personne ne veut dessin. Ça veut dire que tu. Oh, ah, ah. La fameuse chaussette retournée. Hashtag quand j'ai compris. Love Fist, donc, c'est un groupe fictionnel écossais dans l'univers du jeu, avec pour frontman un chanteur au nom très évocateur de G's Torrent. Voilà, voilà. Qui avoue d'ailleurs... dans la dentelle. Voilà, et qui avoue d'ailleurs, dans l'univers du jeu, avoir déjà fait l'amour à un mouton. Voilà, on est vraiment dans le nouveau GTA. Si vous aimez, moi j'aime bien, mais... Dans l'univers du jeu, donc... Faire l'amour à des moutons. Le groupe fait, dans l'univers du jeu, le groupe fait une pause pendant sa tournée dans la ville de Vice City, hein, où il leur arrive quelques bricoles. Hein, on est censé participer à ses missions dans le jeu, justement. Notamment un fan fou qu'on doit arrêter, hein, un fan fou qui veut les tuer. Voilà, ça a l'air d'être un groupe qui tourne bien, hein, avec plusieurs faux albums à leur actif, hein, mais ils vont splitter dans les années 90 pour revenir en force pendant la période GTA V, qu'on va voir un des personnages dans GTA V, justement. Alors, pour l'inspiration, on est principalement dans, c'est un petit peu dans de la glam rock anglaise des années 70-80 avec un groupe The Sweet. Je ne connaissais pas. Tu connais The Sweet ? Non, il voilà. Devait être très doux. C'est une des principales inspirations pour ce groupe-là, mais aussi dans des, on est dans des influences type Def Leppard, Poison, Warrant, tous ces groupes-là, tu vois. Donc, voilà, pour ces messieurs English que vous pouvez... Wave of the, c'est quoi ? New English Wave of Metal. Ouais, un truc comme ça, voilà. Donc, bref. Voilà, si vous jouez à Vice City, je vous conseille d'aller sur la station V-Rock, hein, voilà, c'est ce qui est génial avec GTA. Ce sont les stations de radio, et d'ailleurs, on pensait éventuellement, dans les cartons, faire un petit épisode, si on l'annonce ou pas. Peut-être, un épisode sur GTA. Un épisode sur Radio GTA, voilà, on écoutera quelques Radio GTA, et on prendra les meilleurs morceaux qu'on a aimés. Voilà, petit point fil rouge, parce qu'on a du fil rouge, ça y est, ça se débloque, la cryptosphère est en feu. Titours encore, lui, qui nous parle des faux groupes du Palmacho, qui sont, ouais, c'est très drôle. C'est très marrant. On a PLM, Les Pères, Maître Grims, voilà, Laurent Chanson, Alain Vasy, voilà. Ça, c'est vraiment très très drôle. C'est très très drôle, ça. Et on a aussi Phil Good qui nous parle de quelque chose que je ne connais pas du tout, je vais aller me renseigner après, Simon N. Gabouret. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça a l'air marrant aussi, avec le nom. Et on enchaîne. Un petit tour du côté de l'animation, on n'a pas fait de dessin animé, ouais, encore. C'est vrai. Sad Gazem qui nous interprète Margarine. À vous les gars, on s'écoute ça tout de suite. Spread yellow gunk on my pancake heart. Country churn girl in my grocery cart. I pay for her dreams, she taught me to cry, like watery knives, like rain from my eyes. I can't believe you're not mine. I can't believe you're not mine. Margarine. Margarine. Margarine. Margarine! Margarine! Margarine! Margarine! Margarine! Margarine! Margarine! Margarine! Alors toi, tu voulais faire un peu l'émission pour parler de Drive Shaft. Moi, c'était pour parler de Sad Gazem, parce que je trouve vraiment ce groupe absolument génial. Mais juste pour dire, la batterie est trop bien dans ce morceau. C'est le seul que j'ai trouvé avec de la batterie. Ça se trouve, c'est rajouté par... Ouais, c'est peut-être, mais je trouve que ça rend trop bien. Mais ça rend super bien. En fait, au départ, c'est un groupe de R&B composé de Homer Simpson, de Carl Henny et de Lou. Nous sommes à peu près au début des années 90 et ils essayent de percer dans la musique. Un jour, Homer voit Marge et un de ses profs de fac en train de flirter. Donc il va sombrer un peu dans la dépression et il va changer de style totalement pour faire du crunch. Et c'est comme ça que Sad Gazem va naître. On arrive à Margarine, c'est une très belle chanson d'amour dépressive. Hein, et le riff est pompé sur une chanson de Bush qui s'appelle Glycérine, d'où le nom Margarine évidemment. Et la chanson de Bush, elle est, comment dire, moi personnellement je la trouve un peu naze en fait. Ouais. Vraiment, je la trouve un peu naze. Et je préfère carrément le son que Sadgasm a. Pourtant c'est un dessin animé, mais vraiment ils ont un truc, hein, ils sont bons. Bon, pour ce qui est des clins d'œil au grunge, hein, y en a plein dans l'épisode. Par exemple, ils font un concert à Seattle, qui est un petit peu la ville du grunge quand même, dans une cave, la façon dont ils sont habillés, les fringues et tout ça. La musique d'Homer, il est même considéré dans le truc comme l'inventeur du grunge, puisqu'en VO, il définit sa musique comme « guitar rock utilizing nihilist grunge energy », donc ce qui veut dire, sous l'acronyme de grunge. Bon, et puisqu'on est toujours dans les petits clins d'œil à la pop culture, Sadgasm donne un concert à un moment, qui fait un peu penser à Fugazi dans sa fac, en plein air, et il y a un gars qui décroche le téléphone juste à côté et qui dit ça. Gaff, c'est Marvin, ton cousin Marvin Cobain. Tu sais ce nouveau son que tu recherchais? Eh bien, écoute-moi ça. Voilà, retour vers le futur, hein, évidemment. Ils sont assez forts, ces Simpsons. Hein. Ouais, voilà. Ouais, je connaissais pas ce clin d'œil, mais il est très très bien ce clin d'œil, retour vers le futur. Et pour les petits curieux, c'est l'épisode 11 de la saison 19, et il est vraiment cool. Et il y a un paquet de références, je vous les ai pas toutes mises, évidemment, bien sûr, mais à regarder en essayant de voir vos références. Petit point fil rouge. Eh oui, ça y est, c'est parti. On a Oasis qui nous propose Gorillaz. Alors, on il en a nous parlé demandait un peu si techniquement c'était un groupe fictif. On peut dire que oui. Techniquement, c'est un groupe fictif. Et bien sûr, Raven qui nous propose Chris Prolls. Oui, évidemment, bon. Du film Fatal. Je suis music. Voilà, magnifique Chris Prolls, hein, campé par le plus grand des acteurs québécois, peut-être. Hein, oui, des comiques au moins. Merde, comment il s'appelle? Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau, exactement. Voilà. On aurait pu dire Fatal aussi. Hein. Exactement. Fatal qui a sorti des albums et tout. Donc, tu il a vraiment poussé le concept très loin. Hein. Ouais, on t'embrasse, ça... Mickaël. Bisous sur le front. Ouais, non, avec. Non, moi je suis pas on trop le met pas avec Beck, non. Avec Beck, Damon Albarn et. Non. Bon, okay. Pas trop. on continue avec un autre groupe fictif, hein, qui ravira les fans de J.J. Abrams. Hein. On est encore dans du J.J. Abrams. Après Lost, on passe à Fringe. Hein. Pour les fans de Fringe, si vous aimez le rock progressif, psychédélique, on va s'écouter Seven Sun par Violet Seddon Chair. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. Donc c'était un petit peu le morceau sérieux de l'émission, hein. Et donc toute l'histoire autour de ce morceau est franchement assez sympa. Alors comme tu le sais, J.J. Abrams, quand il fait une série, il fait pas les choses à moitié, hein. Ça c'est clair. Voilà, il élabore tout un univers, toute une mythologie, voilà, et donc Fringe n'échappe pas à la règle, hein. Tout est bien millimétré, tu vois, il y a un univers vraiment développé, assez fin, tu vois. Et dans la saison 3 de Fringe, ce bon vieux Walter, hein, des personnages, je sais pas si tu connais la série. Je connais la série, mais je l'ai pas regardée. Voilà, il fait référence à ce groupe, hein, Violet Sedan Chair, en disant que c'est vraiment un groupe qu'il adore. D'ailleurs, je crois qu'un des musiciens de ce faux groupe est joué par Christopher Lloyd, justement. Retour vers le futur, voilà, monsieur Doc. Justement, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en fait, tout ça participe à l'époque à une grande technique de marketing viral, puisqu'en fait, ils se sont pas contentés. T'as bien aimé le morceau déjà ? Ouais, franchement, c'est bien. Et ben en fait, ils se sont pas contentés de faire un morceau, ils ont fait un album entier, voilà, justement. Et ils en ont fait quelques copies, hein, vraiment très peu. Je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois, à peine 5-6 copies. Et ils les ont envoyés à des disquaires, n'importe qui, à travers les États-Unis. Et quelques chanceux sont tombés là-dessus, complètement au hasard, et le mystère tout autour de ça a été découvert par les fans, tu vois, ça a fait un petit peu de buzz, ouais, ça a parlé de la série. C'est cool, il a de bonnes idées ce ouais. Gigi. Et d'autant plus que tous les vinyles, chaque vinyle, chaque copie a chacun, ils ont chacun des spoilers, des indices et des petits bonus différents sur la série en elle-même, tu vois, c'était très bien joué. Donc niveau marketing, bien joué, mais j'ai tout de même écouté un peu l'album, et franchement, bah c'est pas mal du tout, hein. C'est pas très égal certaines fois, mais c'est vraiment sympa, c'est bien produit, mais on ne sait pas qui l'a produit d'ailleurs, ça c'est le grand mystère jusqu'au bout, mais vous pouvez trouver l'album sur YouTube, bien sûr. Dernier fil rouge, oui, c'est Black Wolf qui nous propose, je ne connais pas du tout, faudra qu'on se renseigne, non. On n'a pas le temps de se renseigner là, ça s'appelle Infant Sorrow, donc si vous connaissez, voilà, demandez à Black Wolf sur Twitter, je suis sûr qu'il pourra vous aider. Voilà, merci aux gens du fil rouge. On vous avait annoncé une émission plus courte, et c'est vrai qu'après ce 9e morceau, il en reste juste un dernier, et vous connaissez la tradition, on se dit au revoir avant le dernier morceau. Un petit point sur là où vous pouvez nous retrouver. Alors, on peut nous retrouver partout. Voilà. Non, alors, on peut nous trouver bien sûr sur Facebook, hein, facebook.com/on s'écoute ça tout de suite. Sur le Twitter, @on s'écoute ça, où il y a plein de gens qui nous tweetent. Merci aux gens qui nous ont tweeté. Et le dimanche et tous les jours de la semaine après 13h30 au bar Le Balto. Exactement, au FOC. Voilà, on nous trouve sur PodCloud, on s'écoute ça tout de suite. Lepodcast.fr avec le RSS, bien sûr. Et que dire d'autre, on est sur Le Comptoir aussi, le magnifique regroupement de podcasts. Je pense qu'on a. Ce label de podcast. On arrête de parler de nous, c'est bon, on est mal. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, vous pourrez nous retrouver comme d'habitude partout. On vous embrasse bien fort. Et pour terminer sur une note un peu joyeuse, hein, on a sélectionné pour vous. Le groupe qui s'appelle Tranxen 200, vraiment. Exactement. Un nom qui on y a pensé au tout dernier moment, on est con en plus. Donne bien la pêche, bien sûr, avec Vice Versa, hein, le classique, un des classiques des inconnus. Ils ont créé tellement de groupes fictifs, on avait que l'embarras du choix. On va faire une chanson sur. Une émission sur les sketchs des inconnus, c'est vrai. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte en préparant ça un peu que les inconnus musicalement c'était quand même pas des branques. Non. 4 victoires de la musique pour les inconnus quand même. Et c'est dingue, hein. 3 pour victoire meilleur humoriste, victoire de l'humoriste, ça s'appelait à l'époque, c'était un petit peu voilà, les meilleures chansons humoristiques. Et une pour le clip d'Hôtel Neuilly Passy quand même, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, ils avaient des super arrangements vraiment, hein, pour des sketchs, ça ressemblait vraiment à ce qui se faisait à l'époque, hein. On pense à Niagara, à Stéphane Echer, hein, quand on écoute les Tranxen, les Innocents même. Voilà, cette parodie des Cure, pleine de bon sens et de bon goût, on s'écoute ça tout de suite et nous on vous dit à très bientôt. Au revoir. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire. Temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète. Hypochondriaque. Mais tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice